Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upandita, retraite de méditation Vipassana 2001, sixième jour. Hier, le Vénérable Sayadaw nous a parlé des quatre catégories de personnes. Il nous a expliqué en quoi consistent les trois premières catégories et va nous parler ce soir de la dernière, la catégorie des gens qui se forment à la fois le corps et l'esprit. Et il va le faire à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. C'est cette dernière catégorie de personnes qui fera l'objet des enseignements jusqu'à la fin de la retraite. Voyons ce qui caractérise cette catégorie de personnes. Ce sont donc les gens qui vont former à la fois leur corps et leur esprit. Les bénéfices immédiats d'une telle attitude seront une apparence physique agréable et un esprit bien formé. Comme nous l'avons vu hier, la première façon de former le corps, c'est par achara. Pour former le corps par achara, il faut tenir compte de certains critères mondains comme la nationalité, la race, la culture. En se formant le corps par achara, on acquiert une certaine distinction, et plus on se forme, plus cette distinction s'accentue. Mais achara n'est pas la seule façon de former le corps. La moralité est la deuxième façon d'y arriver, et c'est nécessaire. Tuer, voler, se méconduire sexuellement sont des actions immorales dont il faut s'abstenir. Pour y arriver, il faut pratiquer sila sous ces deux aspects, charita sila et warita sila. Charita sila, c'est faire les choses qui sont bonnes à faire et dire les choses qui sont bonnes à dire. Pratiquer ce premier aspect de la moralité, c'est se conformer à une tradition. En essence, charita sila, c'est donc la même chose que achara. En pratiquant charita sila, on devient une personne bien élevée. Il est nécessaire de pratiquer charita sila. Pour ce qui est de warita sila, il s'agit de s'abstenir de faire certaines choses négatives et s'abstenir de dire certaines choses négatives. En essence, il s'agit donc d'une discipline morale par laquelle on éduque son comportement. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour les moines, et quant aux laïcs, ils ont également un certain nombre de règles à respecter. Charita sila et warita sila sont donc les deux aspects de la moralité. Sila doit se pratiquer sous ces deux aspects. Le comportement physique et le comportement vocal seront alors éduqués. La personne se conduira correctement, elle ne fera pas d'erreur, sera raffinée et aimable. Elle sera un être humain à part entière. En pratiquant ces deux aspects de sila, le fondement moral est assuré. Charita sila, c'est donc faire ou dire les choses qui sont à faire ou à dire. Warita sila, c'est s'abstenir de faire ce qui n'est pas à faire et s'abstenir de dire ce qui n'est pas à dire. Voyons de quelle façon ces deux aspects de sila sont présents dans les cinq préceptes. On comprend facilement que les cinq préceptes sont un ensemble d'actions à éviter. Tuer est une action négative dont il convient de s'abstenir. Voler est une action négative à éviter également. L'adultère, le fait d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint, est une action négative à éviter. Mentir également doit être évité. Prendre des intoxicants, des substances qui ont tendance à embrumer l'esprit, est négatif et il convient de s'en abstenir également. En s'abstenant de ces cinq choses négatives, on pratique Warita Sila. On s'abstient des actes dont il faut s'abstenir. Mais vous qui êtes ici, vous observez huit préceptes. Or, dans cette liste des huit préceptes, le troisième, Kamesumichachara, est remplacé par Abrahmacharya. Kamesumichachara, c'est le précepte qui demande de s'abstenir d'une activité sexuelle illégitime. Ceci veut dire qu'on est autorisé à avoir des relations sexuelles avec son conjoint, alors que Abrahmacharya, c'est s'abstenir de toute forme d'activité sexuelle, même avec son conjoint. Abrahmacharya est donc beaucoup plus exigeant que Kamesumichachara. Mais avoir des relations sexuelles avec son conjoint est naturel. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'abstenir dans la vie de tous les jours. Même si, en retraite, on demande de s'abstenir totalement d'activité sexuelle. Ce troisième précepte fait donc partie de Charita Sila, car c'est quelque chose qui n'est pas négatif et qui n'est pas nécessairement à éviter dans la vie ordinaire. Dans la liste des huit préceptes, le sixième consiste à ne pas prendre de nourriture solide après-midi. Le fait de manger l'après-midi est naturel, ce n'est pas une action négative dont il faut s'abstenir dans la vie de tous les jours, même si en retraite, il est recommandé de s'en abstenir pour éviter de stimuler l'appétit sexuel. C'est la raison pour laquelle les méditants évitent de manger le soir. Vikala Bhojana, ce sixième précepte, fait donc partie de Charita Sila et non pas de Warita Sila, car ce n'est pas quelque chose de négatif dont il faudrait s'abstenir dans la vie de tous les jours. Le septième précepte, qui consiste à ne pas se divertir par la danse, par la musique ou par les spectacles, ne vaut pas dans la vie ordinaire. Ce n'est pas mauvais de se divertir, mais en retraite, pour éviter d'attiser le désir sensuel, il est demandé aux méditants de s'en abstenir. Ce septième précepte fait donc également partie de Charita Sila et non pas de Warita Sila, puisque c'est quelque chose qui n'est pas considéré en soi comme négatif. Et c'est la même chose pour le huitième précepte qui consiste à s'abstenir de l'usage immodéré de lits ou de fauteuils luxueux. Dans la vie ordinaire, les gens font usage de ce type de lits. En retraite, il est recommandé de s'en abstenir. Ce huitième précepte fait donc également partie de Charita Sila et non pas de Warita Sila, puisque le fait de faire usage de lits ou de fauteuils luxueux dans la vie ordinaire n'est pas considéré comme négatif. Ces quatre préceptes, celui qui consiste à s'abstenir de toute activité sexuelle, celui qui consiste à ne pas prendre de nourriture solide après-midi, celui qui consiste à ne pas se divertir, et enfin, celui qui consiste à ne pas se servir de lit ou de fauteuil luxueux, font donc partie de Charita Sila, alors que les autres préceptes font partie de Warita Sila. Warita Sila concerne en effet les actions négatives dont il convient de s'abstenir. Warita Sila ne concerne pas que les bouddhistes. Tout le monde doit s'efforcer de respecter ce type de sila, même les athées, quel que soit l'âge, quelle que soit la religion. Les actions négatives doivent toujours être évitées. Il faut comprendre qu'il est important de maintenir Warita Sila intacte. On peut constater que les endroits où ne se pratique pas Warita Sila sont en général pauvres. Le contraire peut également se constater, les endroits où Warita Sila est pratiqué sont en général prospères. C'est assez évident. Voyez par vous-même, observez ce qui se passe chez vous. Si vous voulez que votre village, votre ville ou votre pays soit prospère, pratiquez Warita Sila. Les villages, les villes, les pays où se pratique Warita Sila sont en général prospères. Et ceci est vrai pour les endroits fréquentés par les humains, mais également pour les endroits fréquentés par les animaux. Avec Warita Sila, le monde s'enrichit. Les cinq préceptes de Warita Sila embellissent le monde, c'est la parure du monde. Hier, le vénérable Sayadaw nous a parlé d'un être céleste, un Devata, qui un jour demanda au Bouddha quelle était la parure de toutes les saisons. Et le Bouddha répondit, c'est Sila. Si avant de poser un acte négatif, avant de commettre une erreur, on réfléchit au fait qu'il s'agit là d'un acte nuisible, on sera honteux à l'idée de le faire et en conséquence, on va s'en abstenir. Il est donc très utile de réfléchir ainsi avant d'agir. On s'abstiendra alors d'agir incorrectement par bonté, par amitié pour les autres. Et dosa sera ainsi remplacé par adosa. L'esprit va ainsi devenir beau. Lorsqu'on nuit à autrui, la colère dosa est présente dans l'esprit. En prenant ce qui ne nous appartient pas, dosa la colère est également présente dans l'esprit. Si par contre on s'abstient de nuire aux autres et si on s'abstient de leur prendre leur bien, c'est adosa et amoha qui vont surgir. Quant au troisième précepte, si on ne le respecte pas et si on se méconduit sexuellement, c'est loba, le désir avide, qui va se manifester dans l'esprit. Si on s'abstient de se méconduire sexuellement, c'est aloba qui se manifeste. Et lorsqu'on ment, c'est à la fois loba et dosa qui se manifestent dans l'esprit. Car si on ment, c'est pour acquérir quelque chose, c'est loba. Et si on ment, c'est également pour nuire, c'est dosa. Si on s'abstient du mensonge, c'est aloba et adosa qui se manifestent dans l'esprit. Et si par la sagesse on comprend que prendre des intoxicants est négatif, on va s'en abstenir. En s'abstenant d'intoxicants, aloba et amoha peuvent surgir. On voit donc qu'en s'abstenant de faire ce qui est négatif et qui ne doit pas être fait, et en s'abstenant de dire ce qui est négatif et qui ne doit pas être dit, autrement dit, en pratiquant Warita Sila, c'est aloba, adosa et amoha qui peuvent se manifester. Aloba remplace loba, le désir. Adosa remplace dosa, l'aversion. Et amoha remplace moha, l'ignorance. Pour qu'un arbre se développe, pour que ses branches et ses feuilles prolifèrent, pour que son tronc se renforce, il faut que les racines se développent. Si les racines de aloba, de adosa et de amoha se développent, les qualités positives vont proliférer dans l'esprit. Réfléchissez donc au fait que Warita Sila purifie et embellit la vie. Sila est réellement la plus belle parure. Un esprit qui s'enracine dans l'avidité, dans la colère et dans l'ignorance sera tout naturellement amené à mal se conduire physiquement et vocalement. Le comportement deviendra vilain et sauvage. Mais un esprit qui s'enracine dans aloba, adosa et amoha va connaître un tout autre développement. Les qualités positives vont proliférer de seconde en seconde. La réputation d'une personne vertueuse s'étend très loin et très rapidement. Sa présence dans les environs réjouit les cœurs. Une telle personne a belle allure au niveau des actes et au niveau des paroles. Sa vie est de grande qualité et lorsqu'elle mourra, elle ne reprendra pas naissance dans les plans inférieurs. Sa réputation s'étendra très loin. Sila élève la qualité de vie. Si on vous demande comment élever la qualité de sa vie à soi, comment élever la qualité de vie de la société, vous répondrez que c'est par la moralité. Ne pas pratiquer Sila, c'est risquer de voir sa vie régresser. Avec Sila, par contre, la vie ne peut que s'enrichir. Si le vénérable Sayadaw devait énoncer tous les bénéfices de Sila, ce serait trop long. C'est pourquoi il s'est contenté de n'énumérer que les aspects les plus généraux. Plus la moralité se renforce, plus le comportement s'embellit. La personne acquiert une grande distinction. Mais il faut cependant comprendre que tout ceci est insuffisant pour développer l'esprit. Pour arriver à développer l'esprit, il faudra renforcer sati, l'attention, et empêcher ainsi que les impuretés ne pénètrent l'esprit. Dès qu'il y a contact sensoriel, les impuretés sont susceptibles de pénétrer dans l'esprit. Si c'est un objet générateur de désir qui se manifeste, l'oba va se présenter et il est possible que ce désir prenne des proportions inquiétantes. Lorsque c'est un objet générateur de colère qui va se manifester, c'est dosa la colère qui se présentera et elle pourrait elle aussi prendre des proportions excessives. Et lorsqu'on ne voit pas la nature des phénomènes, c'est moha, l'ignorance, qui va surgir. Un esprit envahi par loba, par dosa et par moha devient sauvage, brûlant et vulgaire. Efforçons-nous donc d'avoir un comportement digne d'un être humain en développant notre esprit. En 24 heures, mis à part le temps réservé au sommeil, il faudra constamment garder l'esprit en notant les différents objets au moment précis où ils se présenteront. Les kilesas de type obsessionnel se calmeront et en plus de la distinction de la beauté du corps obtenue par Sila, nous aurons alors la beauté de l'esprit, ce qui mérite d'être acquis.